إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours numéro 28 dans le sharh de Umdatul Ahkam, Cheikh Abdullah Al-Bassam, qui s'intitule Taysir Al-Allam. Et on est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 57 dans le chapitre au sujet du mérite de prier en jama'a et de son obligation. Du mérite de prier en jama'a et de son obligation. On a lu hier à ce sujet deux hadiths qui mentionne que la prière que tu fais en groupe, elle a le double, elle a 25 fois ou 27 fois yani le plus de récompense que la prière que tu fais tout seul. On a parlé de ça, on a expliqué toutes les récompenses et tout ce qui a rapport avec cette question. Aujourd'hui, on va lire le troisième hadith qui est rapporté dans ce chapitre. Et c'est le hadith 57, comme on a dit, selon Abi Huraira. Il dit, عن Abi Huraira رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق في رجال معهم حزم أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخرجه البخاري ومسلم. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les prières qui sont les plus lourdes pour les munafiqin, les plus lourdes pour les hypocrites, sont la prière de Isha et la prière de Fajr. Et s'il savait ce qu'il y avait dans ces deux, s'il savait ce qu'il y a comme récompense dans ces deux prières, ils y seraient venus même en rampant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les gens savaient ce qu'il y a comme récompense dans comme valeur dans cette prière, dans ces deux prières, le Fajr ou l'Isha, eh bien ils seraient venus même en rampant ou à quatre pattes. Il dit, j'ai eu l'intention d'ordonner qu'on établisse la salat et d'ordonner à quelqu'un de diriger la prière à ma place, puis de partir avec des hommes, avec des morceaux de bois, et d'aller vers la maison de ceux qui ne viennent pas à la prière pour leur brûler leur maison. Subhanallah. Donc le cheikh il explique dans les termes qui sont mentionnés dans ce hadith, فأحرق بتشديد الراء ويروى بتخفيفها ويروى تخفيفها والتشديد أبلغ في المعنى. Donc dans le hadith c'est écrit فأحرق, c'est-à-dire pour que je brûle, et c'est également mentionné فأحرق, hein, dans les deux ça a la même signification de brûler, sauf que dans la forme avec la shidda, le sens est plus fort. Non, mais les deux sont valables, les deux sont corrects, sans shadda et avec la shadda sur le ra. Après le cheikh il dit habwan qala ibn al-athir al-habu an yamshi ala yadayhi wa rukbatayhi وهو منصوب لأنه خبر كان المقدرة كان المقدرة أي لو كان ولو يكون الإتيان حبوا ولو يكون الإتيان حبوا لا يعني لأتوهما ولو حبوا ولو يكون الإتيان حبوا فكان مقدرة. Ok, le cheikh il explique que habwan ça veut dire marcher à quatre pattes. Tu marches sur tes deux genoux et tes deux mains. C'est ça que ça veut dire habwan. Et Ibn al-Athir il a un livre qui s'appelle An-Nihaya. Et dans ce livre-là, Ibn al-Athir il explique les termes des hadiths qui sont difficiles. C'est comme un dictionnaire de termes dans les hadiths. Donc quand il y a un mot dans un hadith qui est difficile ou un mot qui est rare, qui n'est pas utilisé souvent, tu recherches dans son livre An-Nihaya, tu vas trouver une explication de ce mot-là. Non, c'est très pratique. Donc An-Nihaya. Ensuite il dit Al-Ma'na Al-Ijmali, le sens général de ce hadith. لما كان المنافقون يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا وكانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت الظلام فما يراهم الناس الذين يصلون لأجلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم ولا ينشط لأدائها أو لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله ورجى ثواب الآخرة. Le cheikh il dit que étant donné que les munafiqoun, les hypocrites, quand ils prient pour se faire voir des gens, et donc ils se rappellent très peu d'Allah dans leurs prières. Et le cheikh il explique que Salat al-Isha et Salat al-Fajr, ces deux prières qui ont lieu lorsqu'il fait noir. Et les gens ils voient pas, surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils voyaient pas qui est-ce qui vient à la prière de Fajr ou à la prière de Isha parce qu'il faisait noir. Donc ils voient pas bien, les ombres. Donc les munafiqoun peuvent se cacher. Ils peuvent s'échapper, comme s'ils ne viennent pas à la mosquée, personne ne remarque, parce qu'il fait noir, donc personne ne sait s'ils sont venus ou non. Donc ils profitaient de ces deux prières-là pour ne pas venir à la mosquée. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il explique, il dit, les gens, ils ne les voyaient pas, et eux, ils prient pour eux. Ils viennent prier pour se faire voir d'eux. Donc étant donné que les gens ne les voient pas, alors ils ne viennent pas. Et on voit qu'ils négligent dans ces deux prières qui viennent dans des moments de repos ou des moments où tu jouis du sommeil, tu jouis d'un bon sommeil, donc t'as pas envie de sortir pour aller prier avec la jama'a dans ces deux moments-là, excepté celui qui a une foi qui est forte, qui l'appelle à rejoindre la jama'a pour aller faire la prière en espérant d'avoir la récompense de l'au-delà. Le cheikh il dit وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْ كَانَتْ هَتَانَ الصَّلَاتَانَ أَشَقْ وَأَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي فِعْلِهِمَا مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا كحب الطفل. الشيخ dit, étant donné que c'est ainsi, ces deux prières sont plus lourdes pour les hypocrites. Hein? C'est les plus lourdes prières à faire pour un hypocrite. Et s'il savait la récompense qu'il y a dedans, faire la prière en jama'a, quelle grande récompense qu'il y a dans ces deux prières-là, il serait venu même à quatre pattes, comme un enfant. L'enfant qui marche à quatre pattes. Il dit, وَأَقْسَمَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ هَمَّ بِمُعَاقَبَةِ الْمُتَخَلِّفِينَ الْمُتَكَاسِلِينَ عَنْ أَدَائِهِمَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ جَمَاعَةً ثُمَّ يَأْمُرُ رَجُلًا فَيَأُمُّ النَّاسَ مَكَانَهُ ثُمَّ يَنْطَلِقُ مَعَهُ بِرِجَالٍ معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء الذين لا ذنب لهم. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a même juré que il a pensé à punir ceux qui restaient derrière qui faisaient de la paresse hein, de venir à la mosquée en prier en jama'a pour ces deux prières que il a même eu l'intention de d'ordonner à ce que la prière soit établie et d'ordonner à quelqu'un de diriger la prière à sa place, puis de partir avec des hommes qui ont avec eux des morceaux de bois vers les gens qui ne viennent pas pour faire la prière en groupe et brûler leur maison à cause de la gravité du péché qu'ils ont fait de rester derrière la prière en jama'a. Et il dit, si ce n'était des femmes et des enfants innocents qui n'ont aucun péché, hein, eh bien, il y en a qui sont dans ces maisons-là, il aurait ordonné de faire ça. Mais par pitié, hein, et par miséricorde pour ces femmes et ces enfants qui sont dans ces maisons-là, et qu'eux sont innocents, et pour eux, la prière en jama'a, c'est pas une obligation, donc il n'a pas voulu faire ça. Hein, pour ne pas que eux soient touchés par cette punition-là, alors qu'ils ne méritent pas cette punition. Maintenant, le cheikh il va parler d'un sujet qui est la divergence des ulama sur la question de la prière en jama'a et sur le verdict de la prière en jama'a par rapport à son obligation. Il y a divergence entre les ulama à ce sujet-là. Donc il va mentionner cette divergence et les positions des différents ulama sur cette question et les adillah, les preuves que chacun ont rapportées pour supporter sa position. Et ensuite, pour savoir la position qui est plus proche de la vérité. اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث إلى أنها فرض عين وبالغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة واختار هذا القول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc voici les divergences des ulama sur la question. Il dit que les ulama ont divergé sur la question de l'obligation de la prière en groupe. Essayez de bien comprendre et de bien écouter pour bien comprendre c'est quoi les différentes positions. Parce que ça, c'est très important de savoir qui a dit quoi et c'était quoi leur position. Si je vous faisais passer un examen après ce cours, est-ce que vous serez capable de répondre? Je ne vais pas le faire, mais posez-vous la question à vous-même. Les ulama, ils ont divergé dans la question du verdict de la prière en jama'a. Et il y a un groupe parmi les ulama des Hanafiyyah, des Malikiyyah et des Shafi'iyyah, donc trois sur les quatre mazahib, qui ont dit que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada. Ça veut dire, c'est une sunna qui a été confirmée. Qui a été confirmée et sur laquelle il y a eu plus d'importance. On a donné plus d'importance à cette sunna-là. Tandis qu'il y a d'autres groupes parmi ceux-là, ont dit que c'était une obligation qu'on appelle fardu kifaya. Et fardu kifaya, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand il y a un nombre suffisant de musulmans qui le font, eh bien, dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour le reste. S'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont fait, c'est plus obligatoire pour le reste. Ça devient recommandé seulement. D'accord? Donc, eux, ils ont dit ça. Donc, s'il y a un nombre suffisant qui le font, le reste, pour eux, c'est pas obligatoire. Ça, c'est un groupe parmi les Hanafiyyah, Maliki et Shafi'i qui ont dit ça. Donc, c'est comme si ces trois madhahib, ils ont... certains d'entre eux ont dit sunna mu'akkada, d'autres ont dit fard kifaya. D'accord? Ensuite, l'imam Ahmed, lui, ainsi que ceux qui l'ont suivi, et les gens du hadith, eux, ils ont dit que c'est fardu ayn. Fardu ayn, par opposition à fardu kifaya. Fardu ayn, ça veut dire obligatoire à chaque personne. Ayn, c'est comme une personne, un individu. Ça veut dire un œil, ayn, mais aussi ça veut dire une personne, un individu. Quand tu dis une charsun mu'ayyan, mu'ayyan, ça veut dire spécifique. Donc, fardu ayn, ça veut dire individuel. Ça veut dire c'est obligatoire à chaque personne en particulier. Tandis que fardu kifaya, non. S'il y a un groupe de personnes suffisamment nombreux qui l'a fait, c'est plus obligatoire pour le reste. Ça, c'est fardu kifaya. Donc, vous allez souvent entendre ça dans le fiqh. Des fois, on parle de quelque chose qui est fardu ayn, obligatoire à chaque personne, comme la salat. C'est fardu ayn. Fardu kifaya, obligatoire à un groupe seulement suffisant de personnes. S'ils l'ont fait, c'est plus obligatoire pour le reste. Donc, l'imam Ahmed, lui, il a dit fardu ayn. Ainsi que Ahlul Hadith et des gens qui et ceux qui ont suivi l'imam Ahmad. Il y a un autre madhhab qui n'est pas très connu de tout le monde, mais qui est connu des ulama et qui ont parfois des positions qui sont parfois des bonnes positions, mais parfois aussi c'est des positions qui sont un peu singulières. C'est le madhhab qu'on appelle al-Zahiri, al-Madhhab al-Zahiri. Et eux, ils ont été à une position encore plus sévère que ça, encore plus dure. Et ils ont dit que pour que ta prière soit valable, il faut que tu la fasses en jama'a. Si tu la fais pas en jama'a, ta prière ne sera pas valable. Ça, c'est encore plus sévère. Et cette position, elle a été choisie par certains ulama, Hanabila comme Abu al-Wafa, Ibn Aqil, Al-Hanbali et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Maintenant, on va voir les preuves qui ont été mentionnées pour ces différentes positions-là. Adillatu hadhihi al-madhahib. Istadalla al-dhahibuna ila annaha sunnatun bi hadithi salatu al-jama'ati afdalu min salati al-fadh bi 27 daraja. Wa wajhu al-istidlal, wa wajhu istidlalihim anna kila aw kullan من الصلاة من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشترك في الأفضلية وتأول حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة مذكورة في فتح الباري ونيل الأوطار وغيرهما. Donc ceux qui ont dit que la prière en groupe c'est sunna muakkada, que c'est une sunna, eux leur preuve c'est quoi? C'est le hadith qu'on a lu hier qui dit que la prière que tu fais en jama'a, elle est meilleure de 27 degrés par rapport à la prière que tu fais tout seul. Et donc, c'est comment ils ont compris le hadith, c'est que ça prouve que la prière que tu fais en jama'a ainsi que la prière que tu fais tout seul, les deux sont bonnes. Sauf que la prière que tu fais en groupe, elle est meilleure que la prière que tu fais tout seul. Et donc, ça c'est comment ils ont compris le hadith. Et comment ils ont utilisé cet argument. Pour dire que si la prière que tu fais en jama'a, elle est 27 fois meilleure, ça ne veut pas dire que si tu ne la fais pas en jama'a, que ta prière ne sera pas valable. Naam. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, jama'a de la masjid. C'est-à-dire, si par exemple, à la maison, on va dire qu'à la maison, il y a un nombre de personnes qui habitent. Comme par exemple, 5 ou 6 personnes dans la maison qui sont musulmanes et que vous priez en jama'a dans la maison, ce sera une prière en jama'a. Mais c'est sûr que ça n'aura pas la même valeur que la prière à la mosquée. Hein? Puis hier, on a expliqué aussi que le nombre de personnes qui prient dans la mosquée, ça a un lien aussi avec la valeur de la récompense aussi. Que plus qu'il y a du monde qui prie dans la mosquée, que plus que la récompense sera grande. Bon. Ça, c'est leur position. Par rapport au hadith qu'on vient de lire, ceux qui ont dit que la prière est une sunna, de le faire à la mosquée en jama'a, que ça c'est une sunna, comment ils ont répondu à ce hadith-là? Comment ils ont répondu à ce hadith-là? Parce que dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, c'est clair qu'il y a une preuve solide pour ceux qui disent que c'est une obligation. D'accord? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait brûler leur maison, donc ça indique que c'est quand même pas quelque chose qu'on dirait si c'était pas obligatoire, parce que c'est quand même un châtiment, d'accord? Alors comment ils répondent à cette preuve là ou à ce genre de preuve? Eh bien, le cheikh il dit que ils ont interprété les hadiths, ce genre de hadith, par des interprétations qui sont très éloignées et qui sont très compliquées. Et elles sont mentionnées dans Fath al-Bari, le Sharh de Sahih al-Bukhari, et aussi dans Nail al-Awtar de l'imam al-Shawkani, qui est un Sharh de Muntaqa al-Akhbar. Donc, dans ces livres-là, il y a les détails de ces questions-là et les arguments qui ont été ramenés par ceux-là pour répondre à ces arguments-là. Mais le cheikh dit que c'est des réponses qu'ils ont ramenées et des interprétations qui sont vraiment loin. Ça veut dire que c'est très compliqué, ça veut dire que ce n'est pas des arguments qu'ils ont ramenés qui sont très solides en fait. La deuxième chose que le cheikh dit ensuite, « Amma adillatu man zahabu ila annaha fardu kifaya, fahiya adillatu man yarawna annaha fardu ayn. » وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية وليس هذا دليلا مستقيما لأن هؤلاء هم بقتلهم والقتل غير المقاتلة ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فلم يكونوا تركوا واجبا يعاقبون عليه إذن أما أدل نعم. Donc il dit le cheikh, en ce qui concerne la preuve de ceux qui ont eu la position que c'est un fard kifaya. Fard kifaya, ça veut dire que c'est une obligation pour un groupe de personnes qui est suffisamment nombreux. Puis une fois que ce groupe-là, ils l'ont fait, alors c'est plus obligatoire pour le reste, c'est seulement recommandé. Bien, le cheikh, il explique, il dit qu'en réalité, cet argument-là, c'est les preuves qu'il ramène, eux, c'est les arguments des hadiths qu'ils ont lus par rapport à l'obligation de ceux qui utilisent les hadiths qui prouvent que c'est une obligation pour chaque musulman. Et donc, si c'était le cas, si c'était juste obligatoire pour un nombre suffisant de personnes, puis que pour le reste, ce ne serait pas une obligation, alors dans ce cas-là, ça ne tiendrait pas cet argument-là. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne sont pas venus, on aurait pu dire qu'ils font partie de ceux qui sont en dehors du nombre suffisant, puis que ce n'était pas obligatoire pour eux de venir. Hein? Donc, ce ne serait pas logique dans ce cas-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait l'intention d'aller brûler leur maison ou même de les tuer par rapport à ça. Donc, cet argument-là ne tient pas la route, comme on dit. Et le cheikh, il dit, c'est pas une preuve qui est droite, qui est suffisamment convaincante. C'est ça. Si c'était juste obligatoire pour un nombre suffisant, donc ceux qui seraient pas venus, ils auraient pas abandonné quelque chose d'obligatoire. Donc pourquoi ils auraient été punis de ne pas être venus? Vous comprenez? Donc ça prouve que leur argument ne tient pas et que ça ne peut pas être fard ou kifaya. Amma adillatul mujibin laha al mujibin laha ala al a'yan fahiya sahihatun sariha. Et les arguments et les preuves qui sont ramenées par ceux qui disent que c'est obligatoire pour chaque individu parmi les hommes musulmans, dans ce cas-là, c'est des preuves qui sont authentiques et qui sont explicites, qui sont claires. Il dit فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الَّذِي مَعَنَا فَإِنَّهُ لَا يَهِمُّ بِتَعْذِيبِهِمْ إِلَّا عَلَى كَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Il dit parmi les preuves, le hadith qu'on a lu maintenant, qui est le hadith de Abi Huraira, qu'on vient de lire, il dit c'est clair que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pensé à châtier ces gens-là, excepté si qu'est-ce qu'ils avaient fait, c'était un grand péché parmi les grands péchés, parmi les kaba'ir. D'accord? Il dit wa minha hadithul al-a'ma alladhi ista'dhana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق وعدم القائد له فَلَمْ يُرَخِّسْ لَهُ. Parmi les arguments qui ont été ramenés également pour supporter le fait que c'est une obligation pour chaque personne, chaque musulman, homme, c'est le hadith de l'aveugle qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une permission de prier dans sa maison parce que le chemin pour la mosquée était dangereux et qui n'avait pas de guide pour le guider sur le chemin étant aveugle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné la permission. Et dans le hadith, le cheikh il l'a pas mentionné, mais dans le hadith en question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit au début oui, ça y est, tu peux prier dans ta maison. Après il a dit, il l'a appelé, il a dit, est-ce que tu entends l'adhan? Il a dit non. Il a dit oui. Oui, j'entends l'adhan. Et il a dit, dans ce cas-là, il a dit, fastajib. Hein, en voulant dire, réponds à l'appel. Réponds à l'appel du mu'adhdhin. Il ne lui a pas donné d'excuse du fait qu'il était aveugle. Donc ça c'est la preuve, il dit, ça c'est la preuve que c'est une obligation d'assister à la prière à la mosquée, hein, en jama'a. Troisième exemple, مشروعيتها في أشد الحالات وهي وقت القتال وغير ذلك. Donc il dit l'obligation de prier en jama'a même dans les moments de combat, dans la guerre. Et ici je pense que qu'est-ce que le cheikh il veut dire, c'est pas l'obligation de prier à la mosquée, mais l'obligation de prier en jama'a même si c'est en dehors de la mosquée. Parce que pourquoi? Parce qu'il parle dans le temps du combat. Et dans le combat, les combattants vont pas retourner à la mosquée à l'heure de la prière. Ils vont prier là où ils sont, sur le champ de bataille. Non, mais ils vont prier en jama'a. Wa ghayri dhalika min adillatin nasi'atin la taqbalu at-ta'wil. Il dit, et ainsi que d'autres preuves qui sont convaincantes et fortes et qui ne peuvent pas être interprétées autrement. Il dit, وَأَمَّا أَحَدِيثُ الْمُفَاضَلَةِ فَلَا دِلَالَةَ فِيهَا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهَا لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا لَا تَصِحُّ بِلَا جَمَعَةٍ وَلَكِنْ نَقُلْ إِنَّهَا صَحِيحَةٌ نَاقِصَةُ الثَّوَابِ آثِمٌ فَاعِلُهَا مَعَ عَدَمِ الْعُذُرِ. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les hadiths qui parlent de la préférence de prier en jama'a, alors il dit que ça c'est pas des preuves pour établir que ce n'est pas obligatoire de prier en jama'a. Le hadith qui dit que la prière en jama'a elle a plus de récompense que la prière que tu fais seul, il dit ça, ce hadith là ne prouve pas que ce n'est pas obligatoire de prier en jama'a. Parce que nous, on n'a pas dit que si tu ne pries pas en jama'a, ta prière ne sera pas valable. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est plutôt que si quelqu'un ne prie pas en jama'a, sa prière sera valable, mais elle sera moins. Elle aura moins de valeur ou de récompense. Elle sera moins complète que si la personne prie en jama'a. Et la personne, si elle délaisse la prière en jama'a et qu'elle la prie tout seule, alors que elle a une excuse de s'absenter, dans ce cas-là, elle n'a pas de péché, parce qu'elle a une excuse. Mais la personne qui n'a pas d'excuse, elle aura commis un péché. Non. Oui, c'est ça, c'est un exemple aussi. Si par exemple quelqu'un, il travaille à un endroit qui est loin, hein, qui est loin de la mosquée, il peut pas aller à chaque prière retourner à la mosquée, puis retourner à son travail pour prier, aller prier à la mosquée et revenir à chaque fois. Si la prière est à, par exemple, une demi-heure ou une heure de route, c'est sûr que ce sera pas possible. Donc, dans ce cas-là, il va prier où? Il va prier sur son lieu de travail. Hein? Mais est-ce que, par contre, si dans son travail, il y a plusieurs musulmans qui travaillent là-bas, il peut tout de même essayer de prier en jama'a avec eux. Et comme ça, il ne perdra pas la récompense de prier en jama'a, même s'il est au travail. Donc ça, c'est un point important. La même chose pour ceux qui sont parfois à l'université ou qui sont aux études, hein, la même chose. S'ils ne peuvent pas, par exemple, aller à la mosquée pour la prière à ce moment-là, parce que c'est trop loin, ou bien parce qu'ils ont un cours à cette heure-là, donc pendant la pause, par exemple, ils se réunissent dans un local pour prier en jama'a ensemble, ça existe, ça c'est possible aussi. Le cheikh il dit, وَأَمَّا دَلِيلُ الْغَالِينَ فِي ذَلِكَ وَهُمْ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّهَا شَرْطٌ لِسِحَّةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ والدارقطني عن ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تكلم العلماء في بعض رجاله على فرض صحته، فيمكن تأويله بلا صلاة كاملة إلا في المسجد ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه. وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نفي كماله. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les arguments de ceux qui sont allés à une position extrême par rapport à cette question, c'est ceux qui considèrent que la prière en jama'a c'est une condition pour que la validité de la salat. Et ça, cette position, elle est basée sur un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et Daraqutni, l'imam Daraqutni, selon Ibn Abbas, qui dit celui qui entend l'appel et qui ne vient pas prier, hein, alors sa prière, il n'aura pas de prière. C'est comme s'il n'a pas de prière, excepté s'il a une excuse. Et le cheikh il dit que ce hadith là, yani, il est mawquf, il n'est pas marfou. Ça veut dire que c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, c'est une parole d'un sahabi. C'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole d'un sahabi. Donc, il n'est pas authentique. Et les ulama ont déclaré ce hadith-là faible. Le cheikh dit les ulama ont parlé à propos de la chaîne de transmission de ce hadith, et certains des narrateurs dans la chaîne ne sont pas authentiques, ne sont pas sahih, y en a qui sont faibles parmi eux. Il dit, mais supposons que le hadith était authentique, il dit, on pourrait interpréter le hadith de la façon suivante. Celui qui entend l'appel et qui ne répond pas, qui ne vient pas, il n'aura pas une prière complète, excepté dans la mosquée. C'est ça. Et ça, c'est pour supporter, c'est pour yani que le hadith soit en accord avec d'autres hadiths qui sont plus authentiques que celui-là et qui vont dans ce sens. Et on retrouve dans plusieurs hadiths dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui vont dans ce sens, des paroles qui vont dans ce sens pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala nie une chose, non pas pour nier sa réalité, hein, mais pour nier sa perfection. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça veut dire, ça veut pas dire qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire qu'il est kafir, hein? Ça veut pas dire qu'il est kafir s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Ça veut dire que sa foi elle n'est pas complète, il ne sera pas un croyant ayant une foi complète s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est un exemple. Bon. Ensuite, le cheikh il dit, « وَحَدِيثُ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ بِسَبْعٍ و... okay. بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ صَرِيحٌ في صحة صلاة المنفرد حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب. Donc le cheikh il dit, et il y a également le hadith qu'on a lu hier qui dit que la prière en jama'a, en groupe, elle est meilleure que la prière que tu fais tout seul de 27 degrés. Et le cheikh il dit ça, c'est un hadith qui réfute clairement cette position de ceux qui pensent que si tu ne pries pas en jama'a, ta prière ne sera pas valable du tout. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il n'a pas nié complètement la récompense de celui qui prie tout seul. Mais il a juste mentionné qu'elle sera moins importante. Sa récompense sera moins importante que celui qui prie en jama'a. بعد أن ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة مذاهب العلماء وأدلتهم قال من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre As-Salat il a mentionné les positions des ulama à ce sujet ainsi que leurs preuves et il a dit à la suite de ça quiconque médite ou réfléchit sur la sunna de façon sincère et correcte, il va voir clairement que de prier dans les mosquées, c'est une obligation pour chaque individu parmi les hommes, excepté pour quelque chose qui l'empêche et pour laquelle il peut délaisser la prière de vendredi ou la prière en groupe. Et ça, c'est sur quoi sont d'accord tous les ahadiths et les paroles des salafs à ce sujet-là. Et donc, ce par quoi on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme position, c'est qu'il n'est pas permis à quiconque de ne pas prier en jama'a à la mosquée, excepté pour une excuse valable. Et le cheikh il dit, donc maintenant il va mentionner les points bénéfiques qui sont attirés de ce hadith. C'est les six points suivants. أولاً أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين. Premièrement, que la prière en jama'a est obligatoire pour tous les hommes qui ont atteint l'âge de la puberté. ثانيا أن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة. Deuxièmement, que toute personne qui délaisse la prière en jama'a sans excuse a commis un péché pour lequel il mérite un châtiment. ثالثا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب. Ça c'est une qa'ida, si les khawarij ils la connaissaient, peut-être qu'ils cesseraient de faire le désordre qu'ils font actuellement. Et cette qa'ida c'est la suivante, c'est une qa'ida qui est très importante, de repousser un mal à priorité et à précédence sur le fait de ramener un bienfait. Repousser un mal à précédence sur le fait de vouloir ramener un bienfait. Et comment le cheikh a déduit ça de ce hadith? C'est le fait que il voulait châtier ceux qui retardaient ou qui venaient pas à la prière en groupe. Mais il a vu que si ils brûlaient leur maison, ils risquaient en même temps de châtier des femmes et des enfants qui sont innocents et qui ne méritaient pas ce châtiment-là. Hein? Et que par crainte de châtier celui qui ne mérite pas le châtiment en question, il s'est abstenu de les châtier. Ça, c'est la preuve que de cette règle, de cette qa'ida. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih. De repousser un mal à précédence sur le fait de vouloir rapporter un bienfait. Et tu vois, les gens de bid'a, comme les khawarij et les autres, eux, non, ça ne les dérange pas du tout. Ils voient, par exemple, j'ai entendu l'histoire une fois, quelqu'un qui a brûlé un magasin d'alcool. Hein? Ils ont dit, il y a un magasin avec, ils vendent de l'alcool, on va le brûler. Et il y a des habitants en haut. Donc ils ont mis le feu au magasin d'alcool, ils ont brûlé tous les habitants qui habitent en haut. Tout le monde sont morts. Donc, pour enlever un mal, hein, et ramené un bien, il a tué des gens. Tuer, c'est plus grave. Hein? Donc, de repousser un mal, c'est plus important que de ramener un bien. Et donc, c'est ça. Beaucoup de gens, ils ignorent ces choses-là, ils ne comprennent pas, hein, les règles de l'islam. Il dit, quatrièmement, « Anna al-munafiqina lam yaqsudu bi'ibadatihim illa riya wa sum'a li'annahum lam ya'tu ila salati illa hina yushahiduhum al-nas. » Hein? Aujourd'hui, c'est plus difficile pour les munafiqins dans ce sens-là par rapport au fait qu'il y a de la lumière. Donc, ils ne peuvent pas dire, les gens ne vont pas nous voir, donc il faut qu'on vienne. Hein? Donc, ils ne peuvent pas se cacher. Parce que le cheikh, il dit que les munafiqins, ils voulaient uniquement se faire voir par leurs adorations. Et quand, étant donné qu'il faisait noir pour le Fajr, puis pour le Isha, donc ils ne venaient pas, parce que les gens ne les voyaient pas. Hein? Donc, ils ne venaient pas dans ces deux prières-là. Le point numéro 5, Fadlu salatay al-Isha wal-Fajr. C'est pour mentionner en même temps aussi le mérite de ces deux prières, de Isha et de Fajr. Et le point numéro 6, Thiqalu salatay al-Fajr wal-Isha. محمول على أدائها في الجماعة وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما. Le cheikh, il explique que la lourdeur ou la difficulté de ces deux prières de Fajr et de Isha, c'est relié au fait de les faire en jama'a à cause, hein, et ça c'est prouvé par le contexte du hadith. Qu'est-ce qu'on voit dans le contexte du hadith? Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont très fortes et qui appellent la personne à ne pas y aller et qui essaient de les détourner du fait d'assister à cette prière là comme le fait que ce soit des prières qui soient très tard ou très tôt. Hein, que la personne est dans le sommeil ou dans le repos et qu'elle est fatiguée, elle n'a pas envie de sortir ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des choses qui rendent l'affaire plus lourde, plus difficile. Donc avec ça, on a complété la lecture donc de ce hadith et son explication. Maintenant, on va lire le chapitre suivant et il a un seul hadith. Il a un seul hadith, étant donné qu'il n'est pas long, on aura le temps de le lire, inshallah. C'est le hadith 58. Le titre de ce chapitre, c'est « Babu hudur nisa'i al-masjid ». Babu hudur nisa'i al-masjid. C'est-à-dire le chapitre au sujet de l'assistance, hein, le fait que les femmes assistent à la prière à la mosquée. Et ça, c'est un hadith très intéressant. C'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma. An Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال ابن عبد الله le fils de Abdullah ibn Omar, ça veut dire le petit fils de Omar ibn Khattab, le fils de Abdullah, Bilal il s'appelle, il dit والله لنمنعهن, il dit par Allah nous allons certes leur interdire de sortir. J'ai pas traduit le début, donc vous n'allez pas comprendre. Mais bon. Après, il a dit قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. C'est un hadith rapporté par le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein, ça c'est Omar, Abdullah ibn Omar qui cite le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la femme de l'un d'entre vous demande la permission pour aller à la mosquée, alors qu'ils ne l'interdisent pas. Lorsque l'épouse de l'un d'entre vous demande la permission pour aller à la mosquée, alors qu'ils ne l'empêchent pas d'y aller. Alors Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, il a dit, par Allah, je jure que nous allons certes les empêcher. Il dit, par Allah, je jure que nous allons certes les empêcher d'y aller. Alors Abdullah ibn Omar, il est venu vers lui et il l'a insulté d'une insulte. Il dit, je l'ai jamais entendu insulter de cette façon auparavant quelqu'un d'autre. Il dit, j'ai jamais entendu quelqu'un comme lui insulter de cette façon-là quelqu'un. Il dit, comment? Il dit à son fils Bilal, comment? C'est pas Bilal l'autre, il a appelé son fils Bilal aussi. C'est pas Bilal ibn Rabah, vous comprenez? Il a appelé son enfant, il l'a appelé Bilal, comme l'autre sahabi. Il a dit, je t'informe du hadith du messager d'Allah et tu me dis, par Allah, je vais les empêcher. Comme si en voulant dire, tu oses contredire la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que je te parle du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans la version de Muslim, il dit, n'empêchez pas les servante d'Allah d'aller dans les maisons d'Allah ou dans les mosquées d'Allah. Le sens général de ce hadith, il dit المعنى الإجمالي روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. قال يعني كان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة، فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشرع، والله لنمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن سبه سبا شديدا، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. Donc le cheikh il explique le sens général de ce hadith. Il dit que Ibn Omar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم explique le verdict de la sortie de la femme pour aller prier à la mosquée pour la salat, si la femme ou l'épouse de l'un d'entre vous demande d'aller à la mosquée, la permission pour aller à la mosquée, alors qu'il ne l'empêche pas, pour pas qu'elle soit privée du mérite de la prière en groupe à la mosquée. Un des enfants de Abdullah ibn Omar, qui était présent lorsqu'il a mentionné ce hadith, et qui a vu que le temps a changé depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les femmes commencent à se laisser un peu aller dans les parures, hein, et l'embellissement ou des choses comme ça. Donc lui, par le sens de l'honneur et de la jalousie pour la religion et pour vouloir en même temps préserver les femmes, hein, de la désobéissance et des choses comme ça, il a dit ce qu'il a dit. Nous allons par Allah les interdire. Il dit que ce n'était pas dans l'intention de s'objecter à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était plutôt par la jalousie qu'il avait, hein, de voir les femmes faire des péchés et de les laisser sortir en faisant des péchés. Il y a même une parole de Aïcha radiallahu anha qui dit: si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait vu maintenant ce que les femmes font, hein, il les aurait interdit d'aller à la mosquée. Hein, et c'est une femme radiallahu anha, et elle dit ça. Il dit: son père a compris que sa parole était une parole d'opposition et d'objection. Alors, hein, il n'a pas aimé ça. Il a cru qu'il voulait rejeter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou s'objecter à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a eu la colère pour Allah et son messager. Et ça l'a amené à insulter son fils d'une insulte sévère. Et il lui a dit: comment je t'informe de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et puis toi tu dis: par Allah nous allons les interdire. Et il dit, le cheikh, il dit en note de bas de page par rapport au point, on va lire les points qui sont les points bénéfiques qui sont attirés de ce hadith là. Le point numéro 1, il dit: istihbab idhnul mar'ati lis-salati fil masjid idha talabat dhalika. Donc le premier point, c'est quoi? C'est que il est recommandé, hein, de permettre à la femme d'aller à la mosquée pour faire la prière lorsqu'elle le demande. C'est recommandé de lui donner la permission. Deuxièmement, أن جواز الإذن لها مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث. La permission de permettre, là, il est permis de permettre aux femmes d'aller à la mosquée, mais à condition qu'elles ne laissent pas paraître leur parure, hein, et leur charme, et qu'elles soient préservées de la tentation et de la fitna, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques. Le cheikh, il dit: كيف لو شاهد السلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتخلع حيث يعني يعمدون إلى أحسن لباس وأطيب ريح ثم يخرجن كاسيات عاريات وقد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن ويبين مقاطعهن وغشين وجوههن بغطاء رقيق يشف عن جمالهن ومساحيقهن ثم يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنتهم لو رأوا شيئا من هذا لعلموا أن خروجهن محض مفسدة وأنه قد آن حجبهن في البيوت ومن المؤسف أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن فلا يرفعون في ذلك طرفا ولا يحركون لسانا فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه المصنف. Donc l'auteur, il dit: si les salafs, hein, qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils voyaient qu'est-ce que les femmes de notre époque font maintenant, hein, comment ils se dévoilent, comment ils se montrent, comment elles cherchent les plus beaux vêtements, les plus beaux parfums, et qu'elles marchent dans les rues, hein, elles sont habillées, mais elles sont presque, hein, nues. Et elles ont des vêtements qui décrivent leur corps et qui montrent les différentes formes, hein, et qui couvrent leur visage par un voile mince, transparent. Tu vois leur beauté à travers. Et elles vont, hein, bousculer les hommes dans les rues. et yani, se soumettre à toutes sortes de tentations. Si les salafs voyaient ça ou avaient vu une partie de ça, ils auraient su qu'il y a un grand méfait dans le fait de les laisser sortir, et ils les auraient laissés à la maison. Ils les auraient ordonné de rester à la maison. Et il dit que c'est triste de voir que les gens ont perdu la jalousie islamique et arabe. Hein? Les hommes, ceux qui sont responsables de leur famille, les pères et les maris. Et donc, ils ne donnent aucune importance à ces choses-là. Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas contre ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que le cheikh il mentionne? C'est la réalité maintenant. Hein? Beaucoup de femmes musulmanes aujourd'hui, elles se voilent pas. Et tu vas dans beaucoup de pays musulmans, tu vois peut-être moins que la moitié des femmes se voilent. Et parmi celles qui portent un soi-disant voile, peut-être combien de pourcent parmi ces femmes-là le portent islamiquement selon les conditions de la charia? Il y en a très peu. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, que yani, c'est des choses qui se font maintenant, et beaucoup de musulmans restent indifférents, ils ne parlent pas contre ça. Et c'est rare que tu vas entendre des imams ici à Montréal qui vont condamner ces choses-là et qui vont critiquer le fait que les femmes ne se voilent pas islamiquement, surtout si c'est des mosquées avec des imams qui suivent le manhaj des ikhwan, parce que eux ils ne critiquent pas ces choses-là, ils ne parlent pas de ça. Eux, qu'est-ce qui les intéresse, c'est seulement la politique. Et Allah al-Musta'an. Actuellement, en France, ils sont en train, les kuffars, de faire toute une polémique avec l'histoire des habits de bain, hein, que les femmes ont porté, qui s'appelle, je sais pas qui a inventé ça, si c'est des kuffars ou si c'est des musulmans. En tout cas, en général, c'est les ikhwan qui sont derrière la propagation et la promotion de ce genre d'habit. Qu'est-ce qu'ils appellent le burkini, hein? J'en ai parlé l'autre jour, un mélange entre le burqa et le bikini, hein? Ils ont fait un mélange entre les deux, et tu vois que cet habit là elle respecte pas les conditions de l'islam. C'est un vêtement qu'ils mettent pour aller soi-disant à la plage. Les femmes musulmanes qui, soi-disant, veulent aller à la plage, donc elles vont porter, ou à la piscine, elles vont porter ces genres de vêtements-là. Et c'est comme avec un casque et comme un genre de tenue là, sportive. Mais quand elle va dans l'eau avec ça, c'est moulant en fait. Et ça colle sur le corps. Et ça décrit toutes les formes de la femme. Hein? Donc c'est clair que ça ne respecte pas les règles de la charia de l'islam. Et donc, ce n'est pas permis pour les femmes musulmanes de porter ça pour aller à la plage ou pour aller se baigner. Maintenant, les koufars, ils font toute une histoire avec ça. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, nous, ici à Montréal. Parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, et quand il y a eu les trucs des accommodements, ils parlaient de ça. Ça fait peut-être en 2006, 2007. Il y a eu déjà des histoires avec ça. Les filles qui voulaient faire du sport, qui voulaient faire des trucs comme ça avec un genre de foulard sur la tête, ça n'a rien, c'est pas du tout un hijab shar'i. Mais eux, ils sont là en train de défendre ça. Oui, les femmes musulmanes, elles ont le droit de porter ça, il faut les laisser porter ça. Comme si c'était quelque chose qui est relié à l'islam. Et donc, tout ça, c'est des histoires. Si les salafs, ils parlaient de demander la permission, que les femmes demandent la permission pour sortir, pour aller à la mosquée. Et ils disaient de leur permettre. Et certains ne voulaient même pas leur permettre à cause de la fitna à cette époque-là. Alors que dire de celui qui a une femme qui lui demande la permission d'aller, pas à la mosquée, d'aller à la plage? Hein? Ta femme, elle te demande la permission, elle me dit, est-ce que je peux aller à la plage? Hein? Non, tu peux pas, parce que déjà tu vas comment tu vas aller t'habiller pour aller à la plage? Je vais mettre le burkini. Non, le burkini, ça, c'est pas un vêtement pour les femmes musulmanes, ça respecte pas. Même un homme musulman, il peut pas aller à la plage avec le burkini. Donc, imagine une femme, hein? Et en plus, tu vas être en présence de toutes sortes d'autres personnes qui sont à moitié nues ou nues complètement sur la plage. Et toi, tu vas être là, tu vas être en train de les voir. Hein? Donc ça, c'est correct. Tu vas approuver de ça, même si toi, tu dis, mais moi, c'est pas moi qui se mets nu, c'est les autres. Mais toi, tu restes avec eux, tu es témoin de qu'est-ce qu'ils font, puis tu fais rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, tu es complice dans le péché. Hein? Tu ne peux pas être en compagnie de ces gens-là et aller à cet endroit-là. Hein? Et donc ça, c'est des exemples comme ça. Hein? Pour nous mettre dans la balance par rapport à nos salafs, comment eux, ils voyaient les choses. Cheikh, on va terminer avec les trois derniers points. وَيَظْهَرُ أَنَّ جَوَازَ الْإِذْنِ لِمُجَرَّدِ الصَّلَةِ أَمَّا لِسَمَاعِ الْمَوَاعِذِ وَخُطَبِ الْأَعْيَادِ فيجب حضورهن كما يأتي في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. Le cheikh il dit qu'il est clair que ce qui est apparent c'est que la permission c'est seulement pour la prière. Pour la prière c'est pour la prière la permission seulement. Tandis que pour venir entendre les exhortations et le discours de Eid, ça, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour elle d'assister, comme c'est mentionné dans le hadith de Atiyah qu'on va mentionner plus tard, la preuve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Umm Atiyah, elle dit qu'on nous a ordonné de faire sortir pour les deux Eid les femmes âgées et les jeunes vierges. Les jeunes vierges. Naam. Donc toutes les femmes doivent sortir. Et même dans ce hadith-là, le hadith dit, dans le hadith, ça disait oui, mais il y a des femmes qui n'ont pas de djilbab. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que leurs sœurs leur prêtent des djilbab à porter. Naam. Le point numéro 4, shiddatul inkar ala man i'tarada ala sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le point numéro 4, la sévérité de la critique du prophète, la critique de celui qui s'objecte ou qui s'oppose à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu comment Abdullah ibn Omar a réprimandé son fils et comment il l'a insulté pour s'être objecté à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le point numéro 5, annahu yanbaghi liman arada an yuwajjiha kalam ash-shari' إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه. Le point numéro 5, c'est que si quelqu'un il voit que il veut donner une certaine signification ou il veut expliquer une certaine parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une certaine façon qu'il voit lui, il doit faire attention de le faire avec respect, avec une bonne manière et d'une bonne façon, pas n'importe comment. Parce que sinon, ça peut paraître comme un affront, hein, et un manque de respect envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un point aussi que le cheikh il n'a pas mentionné, mais que j'ai entendu de la part de certains mashaykhs à ce sujet, c'est que la preuve que la femme, pour sortir de chez elle, elle doit demander la permission à son mari. Puisque dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'épouse de l'un d'entre vous demande la permission pour assister pour aller à la mosquée, pour faire la prière, alors qu'il ne l'empêche pas, c'est la preuve qu'il a le droit de l'empêcher. » Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise qu'il ne l'empêche pas, c'est la preuve que de l'empêcher, c'est de son droit. Hein? Et que elle doit lui demander la permission pour sortir. Et si c'est pour aller à la mosquée, encore plus si c'est pour aller ailleurs qu'à la mosquée. D'accord? Donc, y a beaucoup de gens qui néglige ça ou donne pas d'importance à ça alors que c'est quelque chose de très important.